بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب صفات الصلاة، وما زلنا في دراسة الفصل الثالث. دراسة الفصل الثالث. On est toujours sur l'étude du troisième chapitre concernant l'étude du livre, la description de la prière du prophète sallam. Et dans ce troisième chapitre, l'auteur nous enseigne la valeur, l'importance de la prière. La valeur et l'importance de la prière. Et donc, l'auteur mentionne des points. Et nous, dans la dernière assise, on s'est arrêté au septième point. Si c'est bien ça, on s'est arrêté au septième point. Et l'auteur va mentionner 10 points. 10 points ici, mettant en valeur la prière. 10 points où on apprend vraiment l'immense valeur de la salat. On va reprendre où on s'est arrêté, au 7e point. Donc l'auteur nous dit, parmi les choses qui prouvent l'immensité et la grande valeur incommensurable de la prière, premièrement dans les points précédents, du fait qu'Allah Azza wa Jal l'a prescrite, l'a commandée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, في أعلى مكان يصل إليه المخلوقون, dans le plus haut lieu dont peuvent accéder les créatures, au-dessus des 7 cieux. La prière fut prescrite au-dessus des 7 cieux. Dans le point suivant, il dit, dans le point 5, et Allah Azza wa Jalla l'a prescrite dans une nuit qui fait partie des meilleures nuits, la meilleure nuit de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de l'ascension, lorsque le prophète sallam a fait le voyage et l'ascension vers les cieux. Et donc Allah Azza wa Jal lui a commandé les prières. Dans le 6e point, Allah faradaha alayhi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam biduni wasita baynahuma. Et Allah Azza wa Jal a prescrit cette prière sans qu'il y ait d'intermédiaire entre le créateur, entre Allah Azza wa Jal et le prophète sallam. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Or, on sait que Allah Azza wa Jal a envoyé, a mandaté l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, pour transmettre la révélation. Et donc, il fut l'ange Jibril l'intermédiaire. Mais concernant la prière, Allah Azza wa Jal l'a ordonné, prescrite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, sans intermédiaire. Ce qui prouve l'importance de cette prière. Qala fi an-nuqtat السابعه ان الله فرضها على العباد اول ما فرضها 50 صلاه في اليوم والليله. Et le dernier point où on s'est arrêté, c'est qu'Allah Azza wa Jal l'a prescrite à la base, on avait dit c'était 50 prières. 50 prières, ensuite elle a été réduite à 5 prières. 5 prières, mais dans la pratique et l'accomplissement, ces 5 prières. Mais en ce qui concerne la récompense, elle équivaut à 50 prières. Elle équivaut à 50 prières. Sauf que l'auteur nous donne un point très important. Il nous dit, si on observe 50 prières, si on devait les faire, en admettant qu'une prière, elle correspond à peu près au temps, un quart d'heure, 15 minutes, ça voudrait dire l'accomplissement de 50 prières, ça prendrait 12 heures et 30 minutes. Ça prendrait 12 heures et 30 minutes. Donc c'est-à-dire en comptant, en admettant qu'une prière, on l'accomplirait en 15 minutes. En rubu' sa'a, en un quart d'heure. Et donc de ce fait, on voit tellement, et c'est ça ce que veut mettre en exergue l'auteur, tellement cette prière, elle est importante, et tellement qu'Allah Azza wa Jal, il aime, puisque à la base, elle a été légiférée et prescrite 50 fois à la base. La première fois, Allah Azza wa Jal a commandé, prescrit au prophète 50 prières jusqu'à ce que revienne le prophète ensemble lorsqu'il rencontra Moussa alayhi as-salam. Et donc, l'auteur nous dit que ça prouve, si au départ elle a été prescrite 50 fois par le créateur, par Allah Azza wa Jal, ça veut dire que Allah aime cette œuvre, Allah aime cette action. Et C'est pour cela qu'on doit lui accorder une intention particulière à cette action, qui était à la base, qui dans la pratique est 5 prières, mais en réalité dans les récompenses, elle équivaut à 50. De sorte qu'on comprend que l'homme, le croyant, la majorité de son temps, il l'aurait passé dans la prière. Tellement que celle-ci, elle est importante. Et donc, c'est une déduction très... C'est un point très important que nous dit l'auteur. Il nous dit donc, si on devait observer 50 prières et que, par exemple, une faisait 15 minutes dans l'accomplissement, ça ferait 12 heures et 30 minutes. فَإِذَنْ لَوْ أَنَ الْإِنسَانِ اشْتَغَلَ فِيهَا. Et donc, si l'individu, il se serait préoccupé de celle-ci, elle va prendre la majorité de son temps. De son temps. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal, ça prouve qu'il aime cette adoration. C'est une adoration particulière, la prière. Et donc ensuite, Allah Azzawajal, comme on l'a appris, il l'a allégé. Donc celle-ci a été allégée à 5 prières. فَجَعَلَهَا خَمْسًا فِي الْفِعْلِ وَخَمْسِينَ فِي الْمِيزَانِ. Donc de ce fait, dans l'action, on accomplit 5 prières. Mais en réalité, فِي الْمِيزَانِ, dans la balance, elle équivaut à 50. وفي هذه الخمس مصالح الخمس وثواب الخمسين وهذا من نعمة الله عز وجل. Et donc ça fait partie encore des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, que la récompense de celle-ci est immense. On pratique 5 prières, mais une prière, c'est comme si on en a fait 10. Et donc à la fin, dans la balance, c'est comme si on a fait les 50 prières. Mais on s'était quitté avec ce point très important, il dit وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها. Sans compter, il dit néanmoins que cela ne rentre pas dans la règle. La règle célèbre que les actions auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah il les multiplie, elles sont décuplées. Elles sont décuplées et multipliées par 10 voire jusqu'à 700 fois et encore plus les bonnes actions. Donc al-hasana, la bonne action, Allah Azza wa Jal, il la multiplie de 10 fois, bi'ashri amthaliha, elle est décuplée, voire multipliée par 100, 200, 300, jusqu'à 700 fois. Une seule hasanat, voire plus. Ça, c'est la règle. Pour toutes les hasanat. Les hasanat sont multipliées. C'est pour ça que, même dans d'autres livres, on avait appris que certains savants disent, par exemple, après, ça va dépendre de la personne. On prie tous, on fait tous la même prière, sauf que certains vont sortir avec une plus grande récompense que d'autres. Comme le même auteur, ou un grand savant avait fait allusion, par exemple, lorsque vous observez la prière qui est faite, lorsque vous faites une omra, par exemple, ou une visite de l'USA, et lorsque, par exemple, on fait des prières, que ce soit fait à la mosquée de la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque, ou bien à la mosquée fait le Masjid Nabawi, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À la base, la mosquée fait Mecca, oh pardon, la prière à Mecca, elle équivaut à 100 000 dans la mosquée sacrée. Voire même dans tout le territoire sacré, selon l'avis d'une grande partie de savants. Une grande partie de savants disent que la récompense de la prière, du fait qu'elle, pas la récompense, mais qu'elle équivaut, elle équivaut à 100 000. Ta'adil, mi'at elf. À 100 000 prières. Ça, c'est valable pour une grande partie de savants. Certains savants considèrent que c'est valable dans la mosquée sacrée, fil haram. Et une grande partie de savants, comme c'était l'avis de Cheikh Ibn Baz, considèrent que c'est valable sur tout le territoire sacré. Donc celui, par exemple, qui vit à la Mecque, les prières même qu'il fait chez lui, lorsqu'il fait la prière chez lui, elle est équivaut à 100 000 prières. 100 000 prières. Et à la mosquée du prophète, sallam, à Médine, 1000. Donc ça, c'est, par exemple, on voit, par exemple, lorsque la prière, soit la prière du midi, la prière de l'après-midi, ou du coucher du soleil, ou du Isha, lorsqu'elle est accomplie à Médine, à la mosquée de Médine, de manière apparente, tout le monde prie. Tout le monde a prié la prière. Donc c'est une prière qui équivaut à 1000 prières. Mais ensuite, du fait que les hasanettes, elles sont multipliées par Allah Azza wa Jal, donc de cette même prière, certains Les gens, lorsqu'ils ressortent de la mosquée, certains, leur prière a été décuplée, multipliée par des centaines de fois. Selon le serviteur. De ce fait, Shir, ici, lorsqu'il dit que la prière à la base, c'est 5 prières dans la pratique, mais 50 filmizen dans la balance, il dit néanmoins, on ne parle pas de la règle concernant la multiplication des hasanets. Il dit, on ne parle pas de ça. Regardez ce qu'il dit, traduction littérale. Néanmoins, cela n'entre pas dans la règle de la bonne action qui en vaut 10. Car la récompense de toute bonne action, toute hasanet qu'on fait, c'est la règle. Toute hasana, une seule hasana que vous faites, la règle auprès du Créateur, c'est que celle-ci est minimum décuplée. Elle est décuplée. Car il dit, la récompense de toute bonne action est quoi qu'il en soit multipliée par 10. Et si cette règle valait pour la prière, il n'y aurait entre elle et les autres actes d'adoration aucune différence. En réalité, en accomplissant, il dit, ces 5 prières, c'est comme si nous en prions 50. C'est comme si nous en prions 50. Et chacune de ces prières, ce qu'il dit, sera multipliée par 10. Ces 5 prières valent donc 500 bonnes actions. Ces 5 prières, il dit donc, valent en réalité 500 hasanat, 500 bonnes actions. Et Allah multiplie encore ce chiffre. Pour qui ? Pour qui il multiplie ce chiffre ? Pour qui il veut. Allah multiplie ce chiffre pour qui il veut. Il dit, cette bonne pratique et œuvre, qui est la prière accomplie une fois, sera comptée comme si elle avait été faite, donc 10 fois. Sera comptée comme si elle a été faite 10 fois. Et dit, quand un homme accomplit la prière, par exemple, du midi, lorsque le soleil arrive au zénith, par exemple, c'est comme s'il l'avait prié 10 fois. C'est comme s'il avait prié 10 fois. Et quand il s'acquitte de la prière du Asr, de l'après-midi, c'est comme s'il l'avait prié 10 fois. Et ainsi de suite. Et ça, c'est une particularité de la prière. Et elle est accomplie 5 fois, mais comptera pour 50 dans la balance. Pour 50 dans la balance. Et ça, c'est un point que mentionne Cheikh. Concernant la valeur de la prière. Donc c'était le 7e point. ثم قال بعد أن قال لكن هذه الخمس كأننا صلينا 50 صلاة ولكل صلاة 10 حسنات فتبلغ 500 حسنة ولذلك تبلغ 500 حسنة في هذه الصلوات الخمس والله يضاعف لمن يشاء فهذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت كأنها فعلت 10 مرات فالإنسان إذا صلى الظهر مثلا كأنه صلاها 10 مرات وإذا صلى العصر كأنه صلاها 10 وهكذا فهذه الميزة في أنها 5 بالفعل و50 في الميزان ثم قال وأن الله أوجب فيها الطهارة بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة في البدن والثوب والمكان ليكون المصلي على أكمل حال في طهارة ظاهره وباطنه Ensuite il dit dans ce point là le 8e point on a dit il mentionne 10 points mentionnant là qui indique la valeur de cette prière, il dit Allah a imposé à cette prière quelque chose de spécifique. At-tahara, la purification. Allah a imposé ce qu'on appelle At-tahara. Et vous savez que il y a 2 sortes de purification. Il y a une purification qu'on appelle une purification abstraite et une purification qu'on appelle une purification perceptible. C'est-à-dire, al-taharatu al-ma'nawiyya wa al-taharatu al-hissiyya. Ici, l'auteur fait allusion à ce qu'on appelle al-taharatu al-hissiyya, la purification qui est perceptible. Celle qu'on fait lorsqu'on fait les ablutions, celle qu'on fait lorsqu'on fait la douche rituelle, par exemple pour le vendredi, ou lorsqu'on est en état de janaba, l'il-junoub, pour celui qui est en état d'impureté majeure. On fait ce qu'on appelle la purification, at-tahara. Allah Azza wa Jalla a prescrit cela pour la prière, il l'a imposé pour la prière. Et donc il dit que cela prouve l'importance de celle-ci. Allah a imposé, d'avant d'accomplir la prière, la purification des souillures mineures et majeures. Et les impuretés touchant le corps, les habits et l'endroit où l'on prie. Ensuite, on a trois choses qui doivent être pures lorsqu'on va faire la prière. Trois choses qui doivent être pures. Le corps, les vêtements et le lieu où qu'on va prier. Le lieu où on va se prosterner. Donc ces trois choses doivent être pures pour la prière. C'est-à-dire, on doit se purifier soi-même, être pur. On doit purifier nos vêtements. On peut pas prier avec des vêtements. Et ça, on le verra lorsqu'on étudiera. Il y aura un chapitre concernant les conditions, ou plutôt, oui, les conditions de la prière. Un chapitre concernant les conditions, les obligations, les piliers de la prière. Donc vous savez, les actes d'adoration, il y a des conditions. Comme la ilaha illallah a des conditions. Pourquoi on parle de conditions? On parle pour la validité. Par exemple, pour la validité de notre témoignage, on voit que dans de nombreux livres, les savants relatent sept conditions. Sept conditions qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà maintes fois dit, la shahada, la ilaha illallah, c'est un témoignage. Le premier pilier est un témoignage. Or, un témoignage, il peut être accepté comme il peut être refusé. Et pour l'acceptation et la validité de celui-ci, il nous faut des conditions. Pour ça, les savants, après déduction du Coran, après observation et méditation et réflexion, lorsqu'ils ont observé le Coran et la tradition authentique du prophète, sallam, ils ont mis en exergue, en apparence, sept conditions. Sept conditions pour la validité de la ilaha illallah. C'est très important. Al-ilmu wal-yaqinu wal-ikhlasu wal-sidqu wal-mahabbatu wal-inqiyadu wal-qaboulu. Wal-qaboulu. Ça, c'est très important. Il faut la dire avec ilm, avec science. Il faut la dire avec yaqin, avec certitude, avec ikhlas, avec sincérité. Il faut avoir ce qu'on appelle al-sidq, être véridique, ce qu'on appelle la véridicité, ou bien c'est dit aussi la véracité. Il faut al-mahabba, l'amour, l'amour de ce que celle-ci implique, l'amour de cette parole, l'amour du monothéisme, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il faut ce qu'on appelle al-inqiyad, la soumission, et al-qaboul, et l'acceptation. L'acceptation de celle-ci. Ça, c'est les conditions. Pourquoi? Pour la validité. Comme par exemple, la prière a des conditions pour sa validité. Comme par exemple, les ablutions ont des conditions. Et vous pouvez retrouver toutes ces conditions-là énumérées par exemple dans Ad-Durus al-Muhimma, les leçons importantes de Samahat al-Sheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah ali. C'est très pertinent si vous voulez réviser les conditions. Par exemple, les conditions des ablutions. Les conditions des ablutions, par exemple, l'auteur en mentionne 10. En mentionne 10. Comme vous pouvez voir selon le madhab al-Hanbalit. Sont le madhab al-Hanbalit. 10, certains mentionnent 9. Pourquoi? Parce que la dixième, elle n'est pas liée à tout le monde. Elle est liée à une catégorie de gens. Sinon, pour la validité, par exemple, des ablutions, les savants, par exemple, entre autres, mentionnent al-islamu, ou al-aqlu, ou al-tamizu. Par exemple, ça fait partie des conditions. Ou al-niyatu, l'intention. Il faut l'islam, il faut la raison. Il faut at-tamyiz, atteindre un âge, ce qu'on appelle de discernement et de distinction. Parmi les conditions, par exemple, l'intention. L'intention, pourquoi? Parce que si on se lave, qu'est-ce qui fait la différence entre un nettoyage, se laver par propreté, ou bien faire sa purification pour accomplir l'acte d'adoration comme la prière? C'est quoi qui fait la différence? Comment on peut distinguer? C'est l'intention. Les prières se ressemblent. La prière du midi, Adh-Dhuhr, wal Asr, se ressemble. Quatre unités de prière. C'est quoi qui fait la distinction? Comment on distingue? Là, on a fait Adh-Dhuhr, là, on a fait le Asr. On va faire Salat al-Isha, Inch'Allah. Comment on distingue les différentes prières? Avec l'intention. Donc ça fait partie, par exemple, des conditions pour les adorations. Aussi bien pour les ablutions, comme on verra aussi pour la prière. Donc les ablutions ont des conditions. La prière a des conditions. Parmi ces conditions, at-tahara. Parmi ces conditions, at-tahara. Et on reverra cela dans un chapitre, inshallah. قال ليكون المصلي على أكمل حال في طهارة ظاهره وباطنه أو ظاهره وباطنه. Et donc de ce fait, celui qui prie, il doit être dans une situation lui permettant de prier, c'est-à-dire dans son meilleur état. Il doit être purifié parce qu'il va se positionner, être stationné devant son Créateur subhanahu wa ta'ala. Et on peut pas se mettre debout devant son Créateur qu'en état de purification. On ne peut pas prier sans avoir fait les ablutions. On ne peut pas, c'est inconvenable. C'est interdit. C'est strictement interdit de prier sans les ablutions. Pourquoi on appelle ça condition ? Une condition, c'est externe à l'adoration, mais si elle n'est pas existante, alors l'adoration n'est pas valable. C'est ça une condition. La condition, c'est une action qui ne fait pas partie intégrante, qui ne fait pas partie de l'entité de l'action elle-même. Elle n'est pas dans la prière, la condition, mais elle est externe à la prière. Mais sans celle-ci, il n'y a pas validation de l'action. C'est ça, une condition. Entre autres, at-tahara fait partie des conditions. Thumma qala al-musannif, le neuvième point, kathratu an-nusus al-waridati bi sha'niha fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. أمرا ونهيا وترغيبا وترهيبا وخبرا وطلبا. Neuvième point qui mentionne l'importance de cette prière, il dit la multitude de textes qu'il y a. Il y a de nombreux textes. Lorsque vous regardez dans, par exemple, dans le noble livre, dans le Coran, ou bien vous regardez dans la Sunna, la tradition du prophète, sans salam, vous voyez de nombreux textes qui mentionnent, dénotent, indiquent l'importance de cette prière. Alors il dit, les nombreux textes rapportés à son sujet dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah, des textes qui parfois intiment un ordre ou décrètent une interdiction, exhortent ou alarment, informent ou sollicitent. Ça prouve l'importance de celle-ci. Et le dernier point, il dit « Annahu ijtama'a fi muqaddimati hadhihi as-salawat at-tathhir al-badani wa at-tathhir al-qalbi ». Et là, il dit, dixième point et dernier point, par rapport aux éléments qui nous prouvent l'importance de cette prière pour le croyant, l'introduction à ces prières réunit, la purification du corps et celle du cœur. Donc vous avez vu, là, l'auteur fait allusion aux deux sortes de purification. Que ce soit la purification du cœur. Celle-ci, c'est une purification que certains savants appellent al-ma'nawi, celle qui est abstraite, le cœur, la purifier par exemple de toute forme d'hypocrisie, la purifier son cœur de toute forme de polythéisme, de shirk, ça c'est une purification. Purifier son cœur. Et purifier aussi son corps pour pouvoir la prier. Donc la pureté du cœur, la pureté du corps et du lieu où on prie. Une telle attention prouve l'importance de la prière. Regardez, c'est très pertinent ce qu'il dit. Il dit, s'il faut pureté de cœur, pureté du corps, pureté du lieu où qu'on va prier, là, c'est vraiment, il y a une attention particulière à cette œuvre. Et il dit, l'intention, cette attention-là, on voit que le Créateur a donné une intention particulière à cette action. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve la grandeur et le mérite de cette action. Et donc lorsqu'on entend vraiment les points qu'a rapporté l'auteur sur la grandeur de cette prière, alors celui qui pratique cette prière, il sera encore plus attentif sur l'accomplissement de sa prière et ça va le réjouir. Il se réjouit de savoir que cette œuvre, elle est immense et lui, il pratique une œuvre qui est la prière qui est immense. Regardez, c'est très pertinent puisqu'ensuite l'auteur nous cite dans le quatrième chapitre. Ensuite, on passe au quatrième chapitre. Après qu'il nous ait dit وَأَنَّهُ اِجْتَمَعَ فِي مُقَدِّمَةِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ التَّطْهِيرُ الْبَدَنِيُّ وَالتَّطْهِيرُ الْقَلْبِيُّ حَتَّى يَدْخُلُ الْإِنسَانَ أو حَتَّى يَدْخُلَ الْإِنسَانُ في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب طاهر البدن طاهر المكان. وهذه العناية تدل على أهمية هذه الصلاة. Et ça, c'est ce qu'on a dit en français. Là, c'est ce qu'on a lu en arabe, mais je viens de le citer en français. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع. Dans le quatrième chapitre. Donc, vous avez vu, dans le premier chapitre, on a appris quand et où fut prescrite la prière. Quand et où fut prescrite la prière. Ça, c'était quelque chose de très important. Ensuite, on a appris le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre concernant l'importance de cesser, ne pas de délaisser la prière. Concernant le fait de ne pas délaisser la prière, ou plutôt dans le premier chapitre, c'était concernant le sens et la signification, la définition de la prière linguistiquement, c'est-à-dire dans la langue arabe et religieusement. Le deuxième chapitre sur quand et où fut prescrite la prière. Le troisième chapitre concernant l'importance de celle-ci. C'est le chapitre qu'on vient de terminer. On passe au quatrième chapitre concernant Fadlu Salati wa Fawaidiha. Et là, c'est très pertinent parce que après nous avoir appris la grandeur de cette prière et l'importance de celle-ci, l'auteur va nous mentionner les mérites et les bienfaits de la prière. Les mérites et les bienfaits de la prière. وقال وقد تكاثرت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الصلاة والمحافظة عليها وترغيبا فيها وحثا عليها. Et il nous dit, l'auteur, que si on observe dans les textes, que ce soit les textes du Coran, les textes relatent les mérites de la prière. Et donc il dit, éveillant le désir de l'accomplir et incitant à y être assidu. Et ces preuves-là qui nous incitent à être assidu à la prière et être bienveillant dans celle-ci, de l'accomplir avec désir, les preuves, il dit, abondent dans le Coran. Dans les livres d'Allah, les preuves sont nombreuses. Et dans la sunna aussi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on a besoin de ces rappels. Pourquoi ? Parce que cette prière qu'on pratique quotidiennement, on a besoin d'incitation et on a besoin de toujours réviser les textes qui nous donnent cette envie et ce désir d'être assidu dans la pratique et l'accomplissement de celle-ci. Et l'auteur mentionne par exemple des versets lorsqu'Allah, dans une sourate, la sourate des croyants, il dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Allah, regardez dans ces versets, il dit « Bienheureux en vérité sont les croyants qui prient avec humilité. » Et la sourate, elle est immense. Et Allah commence cette sourate par des versets qui sont immenses parce qu'il dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » Les croyants ont certes réussi. Ils ont réussi. C'est qui le dit ? C'est le Créateur. C'est le témoignage du Créateur. C'est Allah Azza wa Jal qui dit que les croyants ont réussi. Et la première description qu'Allah Azza wa Jal donne de ces croyants qui ont réussi, قَدْ أَفْلَحُوا, qui ont réussi, Allah dit الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui sont concentrés, qui prient avec humilité. Ceux qui sont concentrés dans leur prière, ceux qui prient avec humilité. Donc, qui sont ces croyants qui ont réussi ? Allah les décrit comme étant ceux qui prient avec khushu'a, avec humilité. Vous avez vu, c'est des versets, par exemple, qu'il faut méditer. C'est des versets où il faut prendre kutub at-tafasir, les livres d'exégèse, pour vraiment s'approfondir. En tout cas, là, notre Créateur nous enseigne que ces croyants-là, il est décrit comme ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont khushu' dans leur prière. Et Allah, dans d'autres versets, que mentionne l'auteur, et dit aussi ensuite, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ أَوْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et Allah Azza wa Jal, dans la même sourate, dans les versets qui viennent après, il nous dit, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ensuite, il va décrire ces croyants encore. Et il dit d'eux, ceux qui s'acquittent régulièrement de leur prière. Yuhafizun, c'est-à-dire ils préservent, ils protègent, ils la pratiquent régulièrement, cette prière. Donc qui sont ces croyants qui réussissent? Ceux, Allah Azzawajal nous dit, qui prient avec khushu', Allah nous dit, وَهُمْ فِي الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et il nous dit, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ils préservent leur prière. Ils l'accomplissent avec assiduité. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Allah dit, ce sont ceux-là les véritables héritiers. Qui sont les véritables héritiers? Allah Azza wa Jalla nous dit, ce sont ceux-là. Ils héritent de quoi? Ils vont hériter de quoi? Regardez Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le verset suivant. C'est une traduction littérale, approximative, hein, relative, de sens des versets. Allah dit, auquel échouera le paradis pour l'éternité. Pour l'éternité. Il dit, ce sont ceux-là les véritables héritiers. الذين يرثون الفردوس. Ceux qui vont hériter de الفردوس. Ce sont eux. Ça, c'est les hauts degrés du paradis, الفردوس. هم فيها خالدون. Et Allah dit qu'ils seront éternellement dans le paradis. Ils vivront éternellement au paradis. Et ensuite, l'auteur, par exemple, cite d'autres versets. Vous avez déjà ces versets qu'il cite, prouvent l'importance de la prière. Et il cite d'autres versets. Lorsque Allah Azza wa Jalla dans d'autres versets dit, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Et l'auteur va dire, وجه فضيلتها أن الله بدها هذه الأوصاف الحميدة في السورتين بالصلاة وختمها بالصلاة وما ذاك إلا لفضل الصلاة على سائر الأعمال. Et là, c'est très pertinent, ce que très important ce que dit l'auteur, une immense faïda. Écoutez la traduction approximative des versets. Là, on a cité des versets. Dans la traduction de ces versets approximative du sens, Allah dit, en vérité, l'être humain est par nature, comme il est dit dans le verset, إِنَ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَ. Allah le décrit, en réalité, l'être humain, il est هَلُوعَ. Ici, le traduit par versatile. هَلُوعَ. Mais il y a une explication, il y a une exégèse à cela. Ensuite, qu'est-ce qui peut me donner une traduction d'un mousraf? Parce que dans cette traduction-là, je pense pas qu'il se soit le noir, Taouba. Je pense pas qu'il se soit basé sur... Ah, par clovic. Je pense pas que ce soit basé sur une traduction sur celle-là. Voilà, là on a une traduction quand même assez plus abordable. Vous allez voir. Quand Allah Azza wa Jal dit, traduction approximative, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. Une traduction relative de ces versets, l'homme a été créé impatient et avide. C'est déjà plus abordable dans la compréhension des gens que certains termes qui sont employés ici. Il se montre abattu dans le malheur. Écoutez comment Allah Azza wa Jal va décrire sa créature. Allah décrit l'homme. Il en est le créateur. Il dit, l'homme a été créé impatient et avide. Il se montre abattu dans le malheur et avare et ingrat dans le bien. Sauf ceux qui accomplissent la prière. Subhanallah. L'homme, lorsqu'il est dans le malheur, il se montre abattu. Allah nous dit. Par contre, lorsqu'il est dans les biens, alors là, il est avare et ingrat. Mais Allah nous dit, sauf ceux qui accomplissent la prière. Mais il nous dit qui y sont assidus, qui accordent sur le bien un droit déterminé aux mendiants et aux démunis, qui croient au jour de la rétribution, qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, car nul n'est à l'abri de son châtiment. Écoutez ce qu'il va dire. Allah Azza wa Jalla, traduction approximative des sens, et il dit, ceux qui se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et celles qui sont sous leur joug. En quel cas, ils n'encourent aucun blâme. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements. Comme ça, Allah Azza wa Jalla décrit le croyant. Le croyant, c'est celui qui respecte le dépôt et honore les engagements. Il dit, qui témoigne de la stricte vérité qui sont appliquées dans l'accomplissement de la prière. Regardez, l'auteur va dire, Allah Azza wa Jalla revient à la mention de la prière et dit, ils sont appliqués dans l'accomplissement de la prière. De leur prière, ceux-là seront honorés dans les jardins du paradis. Regardez, il dit ensuite, si vous avez observé ces versets, l'auteur dit, la preuve de sa qualité éminente est qu'Allah a débuté dans les deux sourates. Écoutez bien, les deux sourates qu'on a lues. Là, c'était des versets de Sourate Al-Ma'arij. Dans la première sourate, on a lu des versets de Sourate Al-Mu'minun. Dans les deux sourates qu'on a lues, l'auteur dit, c'est pour ça qu'il faut bien méditer, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, a débuté dans les deux sourates ses caractéristiques louables par la prière. Il a commencé la sourate en mentionnant le mérite de la prière et de ceux qui l'appliquent. Et il termine en mentionnant le mérite de celle-ci, de la prière. Et ses caractéristiques louables par la prière, il les a terminées par la prière. Et cela seulement en raison du mérite de celle-ci sur les autres œuvres. Pourquoi ? Parce que par rapport aux autres œuvres, Allah a un mérite immense. Regardez par exemple dans ces versets-là qu'on a lus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui donnent le droit au bien, à ceux qui tiennent le dépôt, qui respectent leurs engagements, qui respectent leur partie intime et autre, parmi les bonnes actions. Avant celle-ci, il a cité la prière, mais Allah subhanahu wa ta'ala ensuite revient à la prière. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Vous avez vu, Allah à la fin est revenu à la prière. Et là, ça c'est une observation très pertinente et importante. Et donc, ça prouve l'importance de celle-ci. قال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه واقم الصلاه. Allah dit dans un autre verset, dans Sourate Al-Ankabut, le verset 45, اتل ما اوحي اليك من الكتاب. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, récite ce qui t'a été révélé du livre. Récite ce qui t'a été révélé du livre. Ensuite, il lui dit, wa aqim as-salah, et accomplis la prière. Il dit cela au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre verset, regardez, dans le verset célèbre, le verset 238 de la sourate al-Baqarah, Allah dit, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, wa qumu lillahi qanitin. Allah dit, préservez vos prières, c'est-à-dire accomplissez-les avec assiduité. Wa salati al-wusta, et la prière médiane. Ensuite, dans le tafsir, les grands savants ont divergé sur quelle est cette prière médiane. Parce que là, il y a une particularité. Préservez vos prières, accomplissez-les avec assiduité, une traduction relative. Et ensuite, Allah cite wa salati al-wusta. Quelle est cette prière? Certains savants ont dit, parmi les avis donnés, et l'un des plus justes, salat al-asr. La prière du al-asr, la prière médiane. فالامر بالمحافظه عليها يدل على ان لها شانا عظيما والصلاه اول ركن عملي فرض على المسلمين. Et donc on va dans ces mains de versets, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous appelle à accomplir cette prière en la préservant, en l'accomplissant avec assiduité, ça prouve l'importance de celle-ci. Et l'auteur nous dit aussi والصلاه اول ركن عملي. C'est le premier pilier lié à l'acte, aux actes. Qala furida 'ala al-muslimin. Tafaddal. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسلم. نكمل. On va se quitter inshallah juste avec la mention d'un hadith. On se quitte inshallah avec la mention d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Écoutez, c'est un hadith immense. Après que l'auteur ait dit وَالصَّلَاةُ أَوَّلُ رَكْنٍ عَمَلِيٍّ فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. C'est le premier pilier qui est lié aux actes, aux œuvres qui était prescrit aux musulmans. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله عز وجل. Et il dit أول ما يحاسب عليه العبد. Ça sera la première chose donc dont le serviteur sera jugé le jour de la rétribution parmi حقوق الله عز وجل, parmi les droits du Créateur. Et il cite ce hadith. Inna Allah maftarad ou qala inna awwal maftarad Allah 'ala an-nasi min dinihim as-salah. Inna awwal maftarad Allah 'ala an-nasi min dinihim as-salah. Wa akhir ma yabqa as-salah wa awwal ma yuhasabu bihi as-salah. Wa yaqul Allah jalla wa 'ala unzuru ila salati 'abdi فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول انظروا هل لعبد من تطوع فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. Regardez dans ce hadith, on se quitte avec ce récit. Il dit la première des choses qu'Allah a imposé aux hommes en matière de religion est la prière. Et la dernière à rester sera la prière. Aussi, la première des choses dont on devra rendre des comptes est la prière. Allah dira, regardez la prière de moi.